So as I've mentioned, what the Buddha taught included morality, concentration, and wisdom. That is the training of sila, or morality, and then the mental training of concentration, samadhi, and the mental training of panya, or wisdom. And we take the precepts which establishes us in morality. So that basis is established as we take the precepts and then observe them. But the instructions for meditation are for developing concentration and wisdom. Donc, comme je l'ai mentionné, le Bouddha a enseigné sila, samadhi et panya, la moralité, la concentration et la sagesse. La concentration et la sagesse, ce sont les entraînements mentaux. Et nous prenons les préceptes afin d'être établis dans la moralité. Une fois qu'on prend les préceptes et qu'on les observe, la base de la moralité est établie en nous. Mais les instructions pour la méditation concernent en fait les deux autres entraînements, les entraînements de la concentration et de la sagesse. À partir de demain, il est demandé aux yogis de venir rapporter leurs pratiques, comment ils pratiquent et ce qu'ils expérimentent au cours de leur pratique. Cela me permet à moi de vérifier si les yogis comprennent bien en quoi consiste la pratique, mais il ne faut pas voir cela comme un examen. Il n'y a pas de façon de noter qui soit correcte ou incorrecte. Il n'y a pas d'expérience ou de ressenti qui soit correcte ou incorrecte. C'est seulement une occasion de dire comment vous pratiquez et ce que vous expérimentez. Donc c'est purement de l'ordre de l'information. Donc certains yogis sont capables de bien pratiquer, mais ils ne savent pas très bien comment rapporter, comment expliquer à d'autres ce qu'ils expérimentent. Il y a aussi des méditants, y compris moi-même, en fait, qui font des expériences, mais qui ne savent jamais très bien comment les présenter ou les exprimer. Donc cet enseignement d'aujourd'hui a pour but d'aider les méditants à surmonter les difficultés, à rendre compte de leurs expériences au cours de l'entretien. D'une façon générale, les instructions, c'est noter ce qui apparaît aux 6 portes sensorielles, quel que soit l'objet qui apparaît, au moment où il apparaît. Et noter cet objet tel qu'il est. Par exemple, si on voit quelque chose, on note voir. Si on entend quelque chose, on note entendre. Si on sent quelque chose, on note sentir. Si on goûte quelque chose, on note goûter. Si on touche quelque chose, on note toucher. Si on pense, on note penser, planifier. Donc voir, ça se produit à la porte de l'œil, entendre à la porte de l'oreille, goûter à la porte de la langue, sentir à la porte du nez, toucher, c'est à la porte du corps. Et on note ces objets tels qu'ils sont. Quels sont les éléments impliqués dans un acte d'une note mentale? Il y a d'abord l'attention qui est dirigée vers l'objet, c'est comme regarder un objet par exemple. Par exemple, si on observe l'abdomen qui se soulève et s'abaisse, c'est un peu comme si on le regardait avec notre mental, avec notre esprit. Donc c'est un peu comme si on le regardait. Et ensuite, la deuxième chose qui est impliquée, c'est voir. Effectivement, si on regarde quelque chose, on va le voir. Par exemple, maintenant je lève ma main, si vous décidez de regarder, eh bien vous allez aussi voir. Vous serez capable, en mesure de dire oui, effectivement, c'est une main. Donc, lorsqu'on dit voir, en fait, ici, ça signifie voir avec l'œil de l'esprit, c'est-à-dire avec à la fois l'attention et la sagesse ou la compréhension. Donc, nous devons regarder et voir. Et nous devons aussi observer l'objet dans son entièreté. Par exemple, si on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on doit observer cet objet du début à la fin. Afin de voir l'objet dans son entièreté, il faut que l'attention soit synchronisée avec l'objet. L'attention doit arriver au tout début de l'apparition de l'objet. Elle doit être présente au tout début de l'apparition de l'objet et ensuite elle doit se maintenir avec l'objet jusqu'à sa fin, jusqu'à sa disparition. Au début, on n'en est pas capable. Au début, les méditants n'en sont pas tout de suite capables. On peut prendre l'exemple du tir à l'arc et où la flèche doit atteindre la cible. Dans l'exemple du tir à l'arc et de la cible, le cœur, le centre de la cible, c'est ce qu'on vise. Mais si on ne touche pas directement le cœur de la cible, mais qu'on est sur la cible, on gagne déjà des points. On continue de s'efforcer de parvenir à toucher le cœur de la cible. Et petit à petit, on améliore notre capacité à viser le centre. C'est un peu la même chose pour l'observation du soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. C'est un peu comme une grande cible. Parvenir à voir par exemple, le mouvement de soulèvement dès le début, c'est un peu comme si on parvenait à toucher le cœur de la cible. Toutefois, si on n'y parvient pas tout de suite, mais qu'on touche quand même la cible, qu'on voit, qu'on parvient à observer le soulèvement, on gagne quand même quelques points. On se rapproche de la cible. Mais dès le moment où on touche où on parvient, pardon, à voir ce mouvement dès le début, alors on va pouvoir voir l'objet dans son entièreté. On n'en est pas capable directement. On deviendra capable de le faire lorsqu'on aura perfectionné notre capacité à viser, d'une part, et aussi d'autre part, notre énergie. Au début, donc, pour répéter, on n'est pas capable de voir l'objet dans son entièreté, mais afin d'en être capable, il faut qu'on déploie un plein effort. Mais pour développer un plein effort, il faut aussi qu'on sache qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre comme résultat. Donc, une fois qu'on sait qu'il est possible de voir l'objet dans son entièreté, qu'on sait que c'est le but qu'on poursuit, on devrait avoir l'aspiration, on devrait avoir l'intention de voir, d'y parvenir, de voir l'objet dans son entièreté. Une fois qu'on verra l'objet dans son entièreté, l'attention sera ferme, restera fermement sur l'objet et on pourra atteindre une concentration complète. Il est possible qu'il y ait certains yogis ici qui se reconnaîtront d'ailleurs, à qui j'ai donné l'instruction de noter, plutôt que de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, de noter assis, touché. Dans ce cas-là, ils doivent essayer de voir l'objet de la posture assise dans son entièreté, ou ils doivent essayer de voir le toucher dans son entièreté, tel qu'il apparaît dans l'instant présent. Dès qu'il se produit, dès que la posture assise se produit, il faut la voir dans son entièreté. Dès que le toucher se produit, il faut le voir dans son entièreté, moment après moment. Et donc, que vous observiez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen ou que vous observiez la posture assise et le toucher, vous devriez avoir cette attitude correcte d'essayer de voir l'objet dans son entièreté. Et dès demain, donc, commenceront les entretiens où vous allez rapporter votre expérience. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est êtes-vous capable de noter le soulèvement et l'abaissement? Ou êtes-vous capable d'observer le soulèvement et l'abaissement. Et si vous parvenez à le faire, si vous parvenez à noter le soulèvement et l'abaissement, est-ce que vous rencontrez l'objet directement? Est-ce que vous voyez le processus dans son entièreté? Donc, en d'autres termes, pouvez-vous observer l'objet? Et si oui, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous notez? Donc, lorsqu'on observe un objet physique avec notre esprit, celui-ci peut nous apparaître de trois façons différentes. Soit il nous apparaît comme une forme, soit il nous apparaît sous une certaine manière, soit enfin il apparaît dans sa véritable nature. Donc le premier, la forme ou l'apparence physique, c'est ce qui a tendance à apparaître dans notre esprit dès qu'on ferme les yeux et qu'on cherche à observer notre corps. Par exemple, on observe notre abdomen et on voit la forme, on visualise la forme de notre abdomen, ou alors on voit notre jambe ou notre main. Ensuite, la deuxième façon dont on peut voir les choses avec notre œil de l'esprit, c'est la position ou la manière. Par exemple, la main, elle peut être ouverte ou fermée sous la forme d'un poing. Ce n'est pas la même chose que la forme, c'est la manière. Par exemple, le corps peut être assis, debout, couché, ou alors l'abdomen peut être plein et en expansion, ou alors il peut être effondré et dégonflé, ou encore le bras peut être levé ou posé par terre, posé sur la table, etc. Alors la troisième façon dont on peut voir un objet physique, c'est le voir dans sa vraie nature. Et donc là, il s'agit des qualités essentielles de l'objet. Par exemple, le soulèvement de l'abdomen, il est connecté à l'inspiration, à l'air qui entre, et on peut ressentir comme une tension, des qualités comme la qualité d'un soutien, d'un support. Par exemple, si on met un bois pour soutenir quelque chose, c'est ce type de qualité-là, quelque chose de solide. On peut ressentir aussi des vibrations, du mouvement. Tout ça, ce sont des qualités essentielles des objets. Au moment de l'abaissement de l'abdomen, l'air donc sort, c'est lié à l'air qui sort à l'expiration, et on ressent comme un dégonflement, une forme de peut-être relaxation, d'une détente, de peut-être d'un calme. Ça, c'est donc, ce sont des qualités essentielles, c'est la véritable nature. Donc les deux premières façons de voir l'objet dont on a parlé, la forme et la position ou la manière, elles ressortissent du concept. Elles ressortissent donc de la façon conceptuelle de voir. Et cette façon conceptuelle d'observer les objets, c'est en fait la façon dont on observe les objets constamment dans la vie quotidienne. C'est la façon dont l'esprit a l'habitude d'observer les objets. Si on ne médite pas, en fait, on voit toujours les objets, soit sous la forme, soit leur manière, d'une façon conceptuelle. L'esprit a l'habitude de toujours fonctionner de cette façon-là. Et donc, quand on est en retraite, quand on est en méditation et qu'on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, là aussi, cette façon conceptuelle d'observer va persister. Et d'ailleurs, elle peut être mélangé avec l'observation de la véritable nature, c'est-à-dire qu'on peut voir en partie des concepts et en partie la véritable nature. Ce n'est qu'à partir du moment où la concentration sera devenue forte qu'on verra clairement la véritable nature. Donc, quand vous ferez votre rapport à l'entretien, vous devrez répondre aux questions. Est-ce que vous êtes en mesure de noter le soulèvement et l'abaissement? Si vous êtes en mesure de le noter, qu'est-ce que vous voyez? Et à cette question-là, vous répondez soit je vois des formes, soit je vois la manière, soit je vois la véritable nature. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ne parvenez pas à voir l'objet. Et donc, dans ce cas-là, il faut se demander qu'est-ce qui empêche, quel obstacle empêche de voir l'objet. Est-ce que vous avez, par exemple, une douleur ou par exemple, vous étiez somnolent ou, il faut donc répondre à cette question-là aussi. Donc ça vaut autant pour l'objet du soulèvement que pour l'objet de l'abaissement. Donc pour terminer sur ce point-là, donc du concept et de la véritable nature, il y a un dicton qui dit lorsque on voit lorsque le concept disparaît, la véritable nature est vue. Et lorsque le concept apparaît, la véritable nature est submergée. Donc, alors que nous essayons d'observer l'objet primaire, le soulèvement et l'abaissement, ou pour certains, donc la posture assise et le toucher, l'esprit ne reste pas en place. Il ne se maintient pas là où on l'a placé. Il va de ci, de là, il fait ce qu'il veut. Et des pensées apparaissent. Et les pensées, parfois elles sont propres, parfois elles sont pures, parfois elles sont polluées. Donc qu'est-ce qu'on doit faire de ces pensées? On devrait les noter immédiatement, dès qu'elles apparaissent. Donc aussi, ça peut être des fantasmes qui apparaissent, des imaginations. Ces imaginations apparaissent, est-ce que vous êtes capable de les noter? Est-ce que vous avez été capable de les noter? Vous devez les noter, en fait. Il faut noter ça. Et après que vous les avez notées, si vous y êtes parvenu, est-ce qu'elles ont continué? Est-ce qu'elles se sont arrêtées? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce que vous êtes revenu à l'objet principal? Il faut pouvoir répondre à ces questions. Donc, pour résumer, le soulèvement et l'abaissement, est-ce que vous êtes capable de noter ces objets? Si vous en êtes capable, que voyez-vous? Et si vous n'en êtes pas capable, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'en avez-vous pas été capable? Et si des pensées ou des imaginations apparaissent, est-ce que vous les notez? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voyez? Donc au début, il peut y avoir des sensations ou des douleurs, etc. Mais au début de la pratique, elles ne sont pas très claires, elles ne sont pas très évidentes. La première chose qu'on remarque au début de la pratique, c'est la pensée et l'imagination. Et au début, on n'en est même pas toujours conscient. Mais si on en est conscient, il faut qu'on en fasse rapport. Il faut qu'on dise au moment de l'entretien, la pensée est apparue et je l'ai notée, par exemple. Une autre chose qu'on peut dire par rapport aux pensées, c'est que si on observe l'objet primaire du soulèvement et de l'abaissement de façon très rapprochée, ça va permettre de réduire, de diminuer les pensées. Donc en pali, les ressentis, les sensations, ça se dit vedana. Et souvent, quand on parle de Vedana, on parle de ressentis désagréables. Mais ça inclut aussi les ressentis agréables. Et si des ressentis agréables se produisent pendant la méditation, eux aussi, il faut les noter. Le mot Vedana n'est pas très utile. Lorsque vous faites votre rapport à l'entretien, il vaut mieux utiliser les mots concrets de ce que vous avez ressenti, par exemple des démangeaisons, des douleurs, des engourdissements, des chatouillements, etc. Donc, par exemple, quand il y a une douleur quelque part, il faut l'observer là où elle apparaît et il faut l'observer telle qu'elle est. À ce moment-là, on abandonne l'objet primaire, on abandonne l'observation de l'objet primaire et on place l'esprit à l'endroit douloureux. Ensuite, il faut observer, donc, à partir du moment où on observe l'objet, qu'est-ce qu'il en advient? Qu'est-ce qu'il advient de l'objet? Est-ce qu'il s'accroît? Est-ce que la douleur s'intensifie? Ou est-ce qu'elle reste stable? Ou peut-être qu'elle décroît? Tout ça, il faut le rapporter au moment de l'entretien. Peut-être qu'elle devient faible et qu'elle disparaît. Tout ça, il faut le rapporter. Vedana, les ressentis, les sensations, c'est aussi un objet dont il faut parler lors de l'entretien. Il faut voir comment est-ce qu'on l'a observé et qu'est-ce qu'il est advenu de l'objet. Enfin, il y a une dernière catégorie d'objets qu'il faut aussi observer, c'est les dhammas, ou les objets mentaux, les phénomènes. Par exemple, les visions, les sons, les odeurs, les objets qu'on touche à un moment, les choses qui sont touchées, ou encore les états mentaux, par exemple, l'avidité, ou le doute, ou le jugement, le désir de parler à quelqu'un, ou alors la clarté, la réjouissance, la paix, le calme, etc. Il y a beaucoup d'objets. Et quel que soit le moment où ces objets apparaissent, il faut les observer. Il faut les observer et à ce moment-là, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez connaître quelque chose, vous allez voir ce qui se produit. Donc, ces dhammas, c'est aussi un objet dont il faut faire rapport au moment de l'entretien. Donc, je vais lire un bref extrait ici d'un livre qui s'appelle Guidance des yogis au moment de l'entretien. Où dans cet extrait, on donne un exemple, on parle d'un méditant qui observe donc que l'avidité apparaît. Ensuite, il note cette avidité et on lui demande qu'est-ce qui s'est produit ensuite. Eh bien, la colère est apparue. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Par exemple, la traînaillerie est apparue, je l'ai noté. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite? L'agitation, qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Ensuite, l'esprit a été dispersé, et ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? Le doute est apparu. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer quand on observe l'objet. On voit un objet qui apparaît, et puis qu'est-ce qui se passe avec cet objet? Eh bien, autre chose apparaît. Et donc ça aussi, il faut en faire rapport au moment de l'entretien. Donc par rapport à la méditation en marche, on observe le pas gauche, le pas droit, et puis on observe à la fin de la piste de marche la posture debout, le fait de tourner, de se retourner. Et là aussi, on peut observer ces objets à trois niveaux. On peut voir donc la forme, la manière ou la véritable nature. Par exemple, quand on lève le pied, on essaye d'observer l'objet du tout début jusqu'à la fin. On voit donc à la fin, par exemple, que le pied cesse de s'élever. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on voit la jambe? Est-ce qu'on voit la manière? Ou est-ce qu'on voit des qualités spéciales comme la légèreté ou par exemple un ressenti de traction ou de pulsion, d'être poussé, ou alors de la lourdeur peut-être. Si on s'efforce d'observer l'objet du début à la fin, on observera certainement quelque chose. Il y aura certainement quelque chose qu'on pourra observer. Et donc, ça aussi, à l'entretien, il faudrait en faire rapport s'il reste assez de temps pour le faire. Parmi tous ces objets, au moment de la méditation assise, avant de commencer à faire votre rapport, il est important de dire d'abord combien d'heures vous avez pratiqué la méditation assise au cours des dernières 24 heures, et aussi combien de temps vous avez pratiqué la marche, et des sessions de combien de temps est-ce que vous avez faites. Donc idéalement, tout le monde devrait bien suivre le programme de marcher une heure et de pratiquer la méditation assise pendant une heure. Il faudrait commencer par dire ça et ensuite vous parler de la méditation assise et vous parler surtout de l'objet primaire, puisqu'on essaye de faire de l'objet primaire notre ancrage. Donc le professeur ne sera jamais ennui, ne ressentira jamais d'ennui tant que vous parlez de l'objet primaire. Mais ensuite, quand vous avez parlé de l'objet primaire, vous pouvez parler des autres objets aussi, par exemple les douleurs ou d'autres phénomènes. Il y a certaines personnes qui font beaucoup d'expériences au cours de la journée, qui ont beaucoup de choses à rapporter. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux faire un choix, opérer un choix, sélectionner certaines choses dont vous allez parler. Moi-même, par exemple, c'est ce que je fais quand je dois aller à l'entretien. Parce que on ne dispose pas de beaucoup de temps, on a un temps assez limité, on va voir dans les deux jours qui viennent, on va voir tous les yogis. Donc essayez de sélectionner ce qui est le plus inhabituel et ou le plus significatif pour vous. Et essayez de faire un rapport assez court, de ne pas trop allonger. Parce que on n'a pas beaucoup de temps, et donc essayez de limiter le rapport devrait durer 5 minutes. Donc je voudrais encore ajouter une dernière chose. Il est possible que vous ayez beaucoup de pensées, par exemple, mais il n'est pas nécessaire de faire rapport de toutes les pensées que vous avez eues. Essayez de sélectionner donc par exemple la pensée, l'observation de la pensée qui a été la plus claire, ou l'observation de la pensée qui a été la moins claire. Par exemple, vous pourriez sélectionner ces deux choses-là et en parler au moment de l'entretien. Ou même chose pour les douleurs. Vous n'êtes pas obligé de rapporter toutes les douleurs que vous avez ressenties, mais peut-être rapporter la façon dont vous avez observé la douleur au moment où c'était le plus clair, et la façon dont vous l'avez observé, par exemple, au moment où c'était le moins clair. Mais en tout cas, bon, si par exemple vous avez des douleurs, n'éliminez pas complètement cette catégorie d'objets. Dites un mot au moins sur chaque catégorie d'objets que vous avez expérimenté, sans vous étendre trop longtemps, afin de voir comment vous avez observé, comment vous avez géré cet objet-là. Par exemple, s'il y a une émotion typique qui revient régulièrement, vous pouvez en parler, ou alors des sons que vous avez observés, comment vous avez observé le son, ça vous pouvez en parler. N'éliminez pas mais sélectionnez. N'éliminez pas les catégories d'objets, mais sélectionnez dans celles-ci les plus significatives. Moi-même, j'avais l'habitude au moment de l'entretien de parler de un soulèvement et de un abaissement comme exemple. Voilà, bon, évidemment il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on va arrêter pour aujourd'hui, on continuera à parler de la pratique dans les jours qui viennent. All the things that we experience in our mind and body are the truth of suffering. Craving for these things is the cause of suffering. There is a cessation to this suffering, which is Nibbana. There is a path to this cessation of suffering, which is this practice, the practice of Satipatthana, which develops the Eightfold Path. Toutes les choses qu'on expérimente dans le corps et dans l'esprit ressortissent de la vérité de la souffrance. Les souffrances que l'on endure, elles sont causées par le désir. Mais il y a une cessation de cette souffrance, c'est Nibbana. Et le chemin, il y a un chemin qui mène au Nibbana, à la libération, c'est cette pratique de Satipatthana que l'on développe ici. May you all be able to apply this practice and reach the end of suffering in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu.